Bienvenue au séminaire. Je vous présente Madame Carole Ferret, qui est chargée de recherche au CNRS. Après 4 années passées sur le terrain en Russie, en Sibérie et en Asie centrale, avec 5 années d'activité professionnelle dans les archives audiovisuelles documentaires russes et soviétiques, elle a aussi travaillé comme chercheur à l'Institut français d'études sur l'Asie centrale à Tachkent, en Ouzbékistan, de 2008 à 2010. Elle a également été directrice adjointe du laboratoire d'anthropologie sociale de 2014 à 2018. Son projet de recherche intitulé « Traitement de la nature et traitement d'autrui, une anthropologie de l'action chez deux peuples pasteurs d'Asie centrale et de Sibérie orientale » s'inscrit dans le cadre d'une anthropologie de l'action originale qui cherche dans quelle mesure les sociétés se distingueraient les unes des autres par une propension pour certaines méthodes d'agir. Dans la lignée d'une thèse de doctorat analysant la civilisation altaïque du cheval intitulée « Technique yakoute aux confins de la civilisation altaïque du cheval, contribution à une anthropologie de l'action » produit à l'HESS en 2006, il s'agit d'approfondir l'étude du rapport entre traitement de la nature et traitement de l'autrui au sein des cultures pastorales d'Asie intérieure, en comparant deux peuples turcophones, les Yakouts de la taïga sibérienne et les Kazakhs de la steppe centra-asiatique. L'élaboration d'une grille d'analyse des actions humaines, construite au plus près du concret, permettra éventuellement de révéler des correspondances formelles entre les techniques d'élevage du bétail et la manière de traiter autrui, telles qu'elles se manifestent dans les rapports hommes-femmes, adultes, enfants, aînés, cadets, dominants, dominés, colonisateurs, colonisés, en s'intéressant plus particulièrement à l'éducation des enfants et en évaluant plus généralement l'héritage du pastoralisme dans les sociétés contemporaines. Et je laisse la parole à Madame Carpe. Merci. Bonjour à tous et merci aux organisateurs de m'avoir invité à ce séminaire sur l'enfance. Je vous prie de m'excuser pour le titre de mon intervention qui est assez long et vous m'entendez ? Qui est assez long et indigeste et peu attirant a priori, stimulant peut-être, mais enfin bon, je pense qu'on peut le prendre pour revenir au thème du début comme une sorte d'hommage à ce genre de recherche qui paraît peu rentable a priori et qui ne répond pas à un enjeu stratégique prioritaire. Parce que je ne pense pas que ce soit le cas pour le dressage des chevaux en yakouti ou l'emmaillotage des bébés kazakhs. Mais puisqu'il faut quand même faire en sorte qu'on puisse continuer à mener ce genre de recherche. Donc j'approuve ce qui a été dit au départ et je vous renvoie à la motion de défiance du LAS qui, je ne sais pas, est en ligne, enfin qu'on a fait ces jours-ci comme beaucoup d'autres laboratoires. Alors aujourd'hui, j'envisagerai différentes formes de comparaison possibles entre le dressage des chevaux et l'éducation des enfants, en partant des analogies énoncées dans la tradition occidentale pour aller vers la comparaison des modes d'action pratiqués en Asie intérieure. Cela me donnera en même temps l'occasion d'évoquer incidemment l'évolution qu'ont connu ces questions en anthropologie, que ce soit anthropologie de l'enfance ou anthropologie des relations entre les hommes et les animaux, depuis que je m'y intéresse, c'est-à-dire à la fin des années 80. Parce qu'en effet, c'est un thème que j'aborde plus ou moins de façon plus ou moins approfondie depuis longtemps, depuis que j'ai rencontré Audrey Court en 1988 et que je me suis lancée donc, dans une vaste entreprise de comparaison entre éducation des enfants et dressage des chevaux, à laquelle j'ai consacré d'abord un DEA et puis une thèse, mais qui ne parle que de la moitié du sujet, en fait, cheval. Donc cette recherche sur les relations éventuelles qui peuvent exister entre éducation des enfants et dressage des chevaux invite à un triple jeu de comparaison. D'une part, une confrontation à d'autres cultures dites exotiques, donc ici la fréquentation des peuples pasteurs d'Asie intérieure. Donc c'est ce que Mathieu Candéa appelle dans un article récent sur les deux modalités de comparaison en anthropologie sociale, la comparaison frontale entre eux et nous, comparaison qu'on peut critiquer dans le sens où elle a tendance à exagérer le contraste entre l'Occident et les autres peuples et à caricaturer ce qu'on fait, enfin, à la fois les pratiques et les représentations dans l'un et l'autre cas. Deuxième comparaison, une comparaison donc latérale, selon Candéa, entre plusieurs peuples de cette même culture altaïque, donc que j'appelle Asie intérieure et qui couvre un vaste territoire, notamment donc, en ce qui me concerne les Yakoutes en Sibérie orientale et les Kazakhs en Asie centrale. Mais aussi, troisième forme de comparaison, alors elle n'est pas dénommée dans la typologie des deux modalités de comparaison, peut-être générique, ou je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, entre deux registres, celui de l'humain et celui de l'animal. Ce projet comparatif s'est confronté à plusieurs types d'incompréhension. D'une part, l'objection qui tient au fait qu'on n'éduque pas un enfant comme on dresse un animal. Donc il ne faut pas ravaler l'éducation d'un enfant au simple dressage trivial d'un animal. Ensuite, deuxième type d'objection que m'avait dite Françoise Aubin en disant chez les Mongols, donc qui appartiennent à la même ère culturelle que mes Kazakhs et mes Yakoutes, chez les Mongols, on n'éduque pas du tout les enfants comme on dresse les chevaux, parce que les enfants sont des êtres fragiles, qui sont choyés, qui sont, risquent d'être la proie des mauvais esprits. Donc il n'est pas du tout question de les dresser, mais plutôt, bien au contraire, de les protéger contre les mauvais esprits par toutes sortes de dispositifs, comme le travestissement, l'attribution de noms apotropaïques, péjoratifs destinés à tromper les mauvais esprits, etc. Le personnage qui ressemblait plus au cheval, qu'il fallait mater comme un cheval, c'était la femme. Ensuite, troisième série de reproches qu'on m'a fait en me disant « Maintenant, c'est plus possible de faire de l'anthropologie, de l'éducation des enfants ou de l'anthropologie, de la domestication animale, comme on le faisait autrefois, en privilégiant le point de vue de l'adulte éducateur ou de l'être humain qui dresse les animaux et en considérant les enfants ou les animaux comme des objets. » Ce troisième reproche contredit partiellement le premier, mais il témoigne surtout de l'évolution qu'a connue la discipline anthropologique depuis une trentaine d'années. Ces objections reposent partiellement sur des malentendus, bon, je vais les expliquer tout à l'heure, mais ça m'a permis de préciser ma problématique et de m'interroger sur le statut de la comparaison. Qu'est-ce que c'est que comparer deux choses? Est-ce qu'on compare ce qui se ressemble, ce qui est différent? Comment on compare et qu'est-ce qu'on peut comparer? Alors, pour commencer par les analogies qu'on fait classiquement dans la tradition occidentale française entre dressage et éducation, on peut voir qu'elle est... Cette analogie est très fréquente chez les auteurs classiques comme Montaigne, qui utilise la métaphore équestre de ces deux façons. Donc, dans la première citation Montaigne compare l'attitude du précepteur qui doit être à l'écoute de son élève et s'adapter à lui au dresseur de chevaux qui le met, alors à l'époque on appelait ça sur la montre, c'est-à-dire que, là il détaille, il est bon qu'il le fasse trotter devant lui pour juger de son allure et jusqu'à quel point il doit descendre pour s'adapter à ses possibilités. Donc l'attitude du précepteur face à l'enfant doit être comme celle du dresseur de chevaux en l'occurrence. Ou au contraire, cette métaphore équestre peut être utilisée comme figure repoussoir, pour dénoncer notamment la perte d'autonomie de l'élève, perte d'autonomie qu'il déplore en disant « On nous a tant assujettis aux cordes que nous n'avons plus de franches allures. » Donc à nouveau une comparaison, une métaphore équestre avec le cheval. Pour définir, on va commencer par définir en quelques mots ce que c'est le dressage et l'éducation. Dresser un animal consiste à l'habituer à effectuer docilement certains gestes sur sollicitation. Mais dans le milieu équestre français, en fait, le dressage a deux sens. Un sens large commun aux autres animaux et un sens spécifique où il désigne une discipline équestre, l'équitation savante, académique. Par ailleurs, dans le premier sens du mot dressage, on distingue deux phases qui sont d'abord le débourrage, c'est-à-dire le fait que le cheval accepte le cavalier et la selle, et une deuxième phase, le dressage proprement dit, quand il se soumet aux aides du cavalier. Alors, ce qu'on appelle les aides, ce sont les moyens de communication et donc les commandes du cavalier qui passent par les mains, les jambes, le poids du corps, moyens par lesquels le cavalier transmet ses indications au cheval. Donc dans une société donnée, bah par exemple en France aujourd'hui, le débourrage de tous les chevaux est grossièrement, enfin bon, avec des variantes, est grossièrement le même, tandis que le dressage dépend de l'usage futur du cheval. L'éducation des enfants, qui elle évidemment est un processus bien plus complexe, consiste également en, d'une part, l'acquisition d'une culture commune et d'autre part, de savoir spécialisé. Pour l'individu qui les subit, le cheval et l'enfant, l'éducation et le dressage n'ont pas les mêmes conséquences. Puisque l'éducation permet à l'enfant de s'accomplir, de devenir pleinement humain, donc c'est l'humanisation dont on parlait au départ, de devenir, alors c'est les idées très classiques de l'éducation, de devenir, comme le disait Margaret Mead, un résumé complexe de sa ville et de son siècle, par la socialisation, par l'intégration dans une culture. Au contraire, le dressage peut être vu comme une dénaturation pour l'animal. Le cheval, pour accepter le cavalier, on doit lui ôter l'instinct qui fait qu'il lutte contre les prédateurs qui s'installent sur son dos. Que ce dressage ait lieu de façon douce ou brutale, c'est toujours, dans un certain sens, une dénaturation, puisque le cheval est enfermé, castré, nourri, il perd son indépendance et est maintenu dans un stade dépendant et infantile, c'est ce qu'on appelle la néothénie. Autre différence évidente, l'enfant éduqué est destiné à devenir l'égal de son maître ou de celui qui l'éduque, alors que l'animal dressé ne fera que servir celui qui le dresse. Autre différence, l'adéquation entre les moyens et les fins est plus manifeste dans le cas du dressage. Marcel Mauss, à propos des techniques du corps, définit le dressage comme la recherche d'un rendement, alors que l'éducation ne se limite pas à l'apprentissage de certaines manières de faire. Par ailleurs, la distinction entre dressage et éducation ne se fonde pas seulement sur une discrimination d'objets, c'est-à-dire des processus qui s'adressent tantôt au cheval, tantôt à l'enfant, mais aussi sur une différence de manière de faire. Quand il est appliqué à la socialisation des enfants, le mot dressage prend une connotation péjorative. Il implique une certaine brutalité et les pédagogues utilisent ce modèle comme repoussoir qui incarne les erreurs des pédagogies antérieures, auxquelles il est reproché de ne pas prendre en compte la réalité de l'enfant, de vouloir le plier, de lui imposer un modèle a priori. Alors, ceci étant dit, donc ces différences étant posées entre le dressage et l'éducation, quand on lit des traités de pédagogie et des manuels d'équitation en parallèle, on voit que nombre de recommandations sont identiques dans les deux cas. Donc j'avais fait un petit tableau il y a un certain temps sur un parallélisme frappant entre les règles que doit observer le bon dresseur de chevaux et les règles que doit observer un bon dresseur, je suis sûre que je vais me tromper, Vous voyez ce que je veux dire, dresseur de chevaux dans un cas, éducateur des enfants dans l'autre. Donc le calme, la progression du connu à l'inconnu, du simple au complexe, la durée de travail proportionnée aux forces de l'enfant ou de l'animal, le fait qu'il faut une autorité sans faille dans un cas comme de l'autre. Et, par exemple, j'ai une citation du pédagogue, alors Gustave Le Bon, c'est à la fois, c'est quelqu'un d'intéressant pour mon sujet parce que c'est à la fois un théoricien de l'équitation et un psychologue des foules. Et il dit par exemple, la volonté du cavalier doit être un mur que le cheval se sente impuissant à franchir. Le mur est illusoire sans doute, mais l'art du cavalier consiste à persuader le cheval de son existence. Donc beaucoup d'auteurs dotent le cheval ou l'enfant de la même tendance à profiter du manque d'autorité de son éducateur. Donc il semble bien qu'il y a une influence réciproque entre les principes pédagogiques dans l'un et l'autre domaine, en tout cas en France à partir du XVIIe siècle et surtout à partir des Lumières au XVIIIe. Et en particulier... Donc là, c'est Baucher. Je vous avais donné, je ne sais plus si vous avez eu le temps de la lire, il y avait une citation de Baucher sur l'autorité. Et donc, c'est un écuyer célèbre. Et j'ai trouvé un parallèle assez frappant entre une phrase de l'Émile, de Jean-Jacques Rousseau, qui écrit « Que votre élève croit toujours être le maître et que ce soit toujours vous qui le soyez. » Il n'y a point d'assujettissement si parfait que celui qui garde l'apparence de la liberté. On captive ainsi la volonté même. Sans doute, il ne doit faire que ce qu'il veut, mais il ne doit vouloir que ce que vous voulez qu'il fasse. Donc on distingue d'une part la distinction entre l'autorité réelle et l'autorité apparente, et ensuite une situation assez paradoxale où la soumission est d'autant plus grande qu'elle paraît être liberté. Et c'est en ne faisant rien que le maître domine le mieux son élève. Donc aussi une plaidoirie pour ce que j'appelle l'action passive. Et donc un siècle plus tard, ce même écuyer François Baucher écrit une phrase qui ressemble vraiment de façon frappante à la précédente. Il parle de la descente de main. La descente de main en haute école, c'est une figure dans laquelle... le cavalier cesse de faire toute action, mais le cheval doit continuer à entamer le mouvement précédemment commencé. Donc là, j'ai une petite illustration d'un écuyer qui est donc au passage. Le passage, c'est une autre figure de haute école, donc je ne vais pas détailler toutes les figures de haute école, mais qui dit en descente de main, parce que vous voyez que les rênes sont détendues. Il ne donne plus d'indication au cheval et le cheval continue à passager de la même manière alors qu'il n'y a plus d'action du cavalier. Et donc pour Baucher, cette feinte liberté donne une telle confiance au cheval qu'il s'assujettit sans le savoir, il devient notre esclave soumis tout en croyant conserver une indépendance absolue. Donc dans les deux cas, donc cette étonnante concordance, on peut dire que c'est lié à l'anthropomorphisme qui vaut dans bien des représentations, des relations entre les hommes et les animaux. Ceci étant dit, c'est assez remarquable de constater que les cavaliers se sont de plus en plus intéressés au comportement de leur monture, à ce qu'on a appelé d'abord la psychologie et puis actuellement l'éthologie équine, en suivant sans doute de très loin, donc à quelques siècles d'intervalle, l'évolution des doctrines pédagogiques qui ont commencé donc à se préoccuper de psychologie infantine bien avant. Si la pédagogie exprime l'idée qu'il y a une nature propre à l'enfant, qu'on ne peut pas la réduire à un adulte en miniature, et qu'ils invitent les pédagogues à apprendre à connaître cette nature enfantine et en tenir compte pour l'éducation. De la même manière, dans la littérature équestre et dans la pratique équestre, on a vu actuellement l'explosion depuis, disons, une vingtaine d'années peut-être, l'explosion de ce qu'on appelle l'équitation éthologique et chez ce qu'on appelle aussi les chuchoteurs, On retrouve d'ailleurs le même principe du commandement par la persuasion. Donc, par exemple, je vous cite, « Il faut faire en sorte que le cheval finisse par agir de sa propre initiative. Bien sûr, l'idée vient de vous, mais elle doit devenir la sienne. Vous prenez la décision, mais c'est lui qui trouve la solution. » Donc, il prône une communication avec le cheval en se présentant finalement plus révolutionnaire qu'elle ne l'est, parce que cette communication entre le cavalier et sa monture est quelque chose de permanent quand on fait du cheval, quelle que soit sa discipline. Et finalement, cette communication entre le cavalier et son cheval est peut-être moins novatrice que ce que disaient les mots très célèbres d'un général qui s'appelait Vatel, qui était écuyer au cadre noir à Saumur. Et quand on lui demandait « Comment vous demandez le changement de pied à votre cheval ?» Donc le changement de pied, c'est une autre figure, puisque quand on est à cheval, je ne vais pas détailler, mais en gros, c'est une figure assez difficile à obtenir, qui fait qu'on parce que le cheval galope sur un pied ou sur un autre, puisque le galop est une allure dissymétrique. Bref, quand on lui demande « Comment vous demandez de changer de pied ?» changement de pied, il répondait « J'y pense. » Et ça suffit. Donc là, c'est plus qu'une communication, c'est vraiment le centaure où cette communication entre le cavalier et sa monture est tellement intime et parfaite qu'elle atteint la communion de pensée. Il suffirait au cavalier de penser un mouvement pour que le cheval l'exécute sans aucune autre indication. Donc tout à l'heure, le cheval continuait le mouvement entamé alors que l'indication se suspendait. Là, l'indication n'a même pas été donnée. Alors, sur quoi se fonde cette comparaison entre dressage et éducation ? Elle se fonde d'abord, de façon assez évidente, sur une analogie, une comparaison établie entre le cheval et l'enfant. Si on doit les dresser ou les éduquer de manière similaire, c'est parce que leur nature est également similaire. Le cheval et l'enfant, dans cette tradition occidentale, sont caractérisés par leur indétermination et leur plasticité. Et il s'agit de les développer, mais de les développer dans un sens donné, droit, au sens propre comme au sens figuré. Donc le verbe même « dresser » vient du latin « directus » qui signifie en même temps « rendre droit » et « rendre soumis ». Donc, ah oui, je vous avais mis une photo de Vatel avec le galop. Bon, ça c'était pour le changement de pied, mais bon, voilà. Donc, l'équitation a parfois été définie, par exemple, par Dupaty de Clam, comme justement l'art de mettre le cheval et l'homme et le cheval droit l'un sur l'autre. Donc, une ligne horizontale et une ligne verticale également droite. C'est aussi la fameuse devise de Lot, autre écuyer en chef de Saumur, calme, en avant et droit. Voilà ce qu'on recherche pour un cheval de haute école. Ce qui paraît simple, mais qui est très compliqué. Donc, droit dans la verticalité et dans l'horizontalité, puisque, alors là, je fais référence à une thèse qui a été consacrée par Yves Grange sur le rôle politique du cheval, qui montre que le cheval doit à la fois exprimer la soumission, exprimer qu'il est soumis à l'homme, mais exprimer aussi qu'il est soumettant, qu'il est le cheval du roi, le cheval du puissant, donc vous voyez qu'il est humanisé par la bipédie en se dressant sur ses postérieurs. Là en plus, la gravure montre les sourcils froncés du cheval qui est de cette façon humanisé par non seulement la bipédie, mais l'expression de son visage, on pourrait dire. Donc il s'agit non seulement de soumettre une nature sauvage, mais aussi de l'humaniser, de la faire ressembler à son maître qui le monte. Alors cette volonté de rectitude, de rendre droit le cheval, est aussi manifeste dans le cas de l'enfant. C'est le fameux « tiens-toi droit ». Et c'était la préoccupation de la rectitude qui a fait qu'on cette préoccupation a dominé les modèles d'acquisition des techniques du corps dans la société occidentale depuis le Moyen-Âge. Donc, d'où l'emmaillotage, et je vous ai mis une citation de Morisseau qui dit « L'enfant doit être emmailloté de manière à donner à son petit corps la figure droite qui est la plus décente et la plus convenable à l'homme et pour l'accoutumer à se tenir droit. Sans cela, il marcherait peut-être à quatre pattes comme la plupart des autres animaux. » Donc la rectitude permet en l'occurrence de se dégager de l'animalité. Blandine Brill et Sylvia Paradayan montrent que cette pratique de l'emmaillotage est très répandue dans le monde. Elle présente en plus l'avantage de préserver les bébés du froid, mais aussi de réguler et d'allonger leur sommeil. En France, le maillot a été condamné par les médecins et les hygiénistes dès la fin du XVIIIe, mais il n'a disparu dans la deuxième moitié du XXe siècle. Et à partir de ce moment-là, la rectitude du corps de l'enfant n'est plus favorisée par la contention du maillot, mais au contraire par l'exercice musculaire et donc la liberté de mouvement. En un mot, on peut dire que le verbe « redresser » est passé de la forme transitive, c'est-à-dire l'enfant est l'objet du redressement, à une forme pronominale, l'enfant se redresse de lui-même par l'exercice. Alors, en Asie centrale et en Asie intérieure, l'emmaillotage est toujours pratiqué pour les bébés. Et cette préoccupation de la rectitude est très importante. Alors, en Yakoutie, ils ne sont plus emmaillotés les nouveau-nés que pendant un mois environ. Il y a toujours aussi cette même préoccupation de la protection du froid, mais aussi de maintenir droit le bébé. Dans le sud du Kazakhstan, les bébés sont gardés dans des berceaux jusqu'à 4 ou 6 mois, et même parfois jusqu'à l'âge d'un an. Alors, c'est là que j'avais un petit film. Alors, j'ai essayé de le... C'est pas celui-là. Je vais pas tout vous montrer, mais un petit peu quoi. Alors, hop. Oui, pour aller plus vite, je ne vais pas tout vous montrer, mais je vous montre grossièrement donc les différentes étapes de la mise au berceau. Le berceau qui est constitué de différents éléments, et coussins, et langes, et... Bon, je ne vais pas détailler, mais... Ce que je voudrais vous montrer, c'est la façon dont l'enfant est... J'arrive pas bien à avancer comme je voudrais, mais bon. Enfin, en fait, quand elle couche l'enfant, en fait, ses jambes, donc là, c'est la grand-mère, hein. La grand-mère paternelle, puisque c'est une société patrilocale. L'enfant est couché les deux jambes bien droites et on s'efforce de maintenir ses jambes droites. Bon, c'est dommage parce que vous ne savez pas comment on fait pour revenir. Parce qu'après, il y avait d'autres choses que je voulais montrer. En fait, je voulais avancer en accent. Développé. Bon, je ne peux pas montrer le film. Hein. Et je ne sais pas si elle arrive peut-être à fermer QuickTime. Fermer ? Il faut le fermer. Ah ouais, c'est ça, mais alors sinon ça va durer 2 heures aussi. C'est ça le problème. Ça va marcher, non ? Ouais, je vais forcer à quitter. Peut-être je vais recopier les films, je montrerai tout. Time player. J'enlève quoi? Ben, si vous, on peut le remettre, mais est-ce qu'on peut, si on ne peut pas le mettre en accéléré, enfin, est-ce qu'on peut le mettre à partir on du milieu? On peut essayer de, de l'ouvrir avec un... Bon, enfin, je continue quand même, mais bon, c'est un peu dommage parce que j'avais un film qui montrait le... Donc, à la fois... C'est VLC, c'est... Ben oui, VLC, mais... Non mais... Oui, VLC, oui, oui, on va le mettre en VLC. Je le fais, c'est bon là. Ok. Alors, du coup, je suis trop en avant là. Je reviens un peu en arrière. Donc en fait, il y a tout un dispositif. Donc pour filles et garçons, c'est différent pour que l'urine s'écoule dans un petit pot qui est placé sous les fesses du bébé, puisque le bébé en fait ne bouge carrément pas. Et donc en fait, ses jambes sont maintenues bien droites, c'est ça que je voulais vous montrer, et sont emmaillotées. Ouais. Alors, c'est où ? Le son, est-ce qu'on peut diminuer ? Voilà. Donc ce souci de la rectitude et qui aussi manifeste dans le... Alors donc le bébé reste dans le berceau, alors selon son âge, toute la nuit et même une grande partie de la journée, et donc complètement immobilisé. Et alors pour pallier les problèmes liés à cette immobilité, on l'enlève de temps en temps du berceau et on le masse par des élongations et toute une gymnastique qui est également destinée à le rendre droit. Et c'est la mère qui fait ce massage et qui est destinée notamment à décoller l'omoplate afin de faciliter la future bipédie. Et il y a toujours un souci de rectitude, c'est-à-dire qu'on lui masse par exemple les oreilles, le nez pour qu'il soit bien droit, les jambes pour qu'elles soient droites, etc. Donc je vous laisse les images et puis je vais continuer pour pas... Et en fait, des fois, on soulève le bébé par la tête pour... l'élongation, ouais, mais on le voit tout à Enfin, il y a toute une gymnastique qui est faite pour les bébés au berceau. Et donc, cette petite, elle a 3 mois. Et par ailleurs, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'ils apprennent très, très tôt, dès 3 mois, elle allait déjà sur le pot et il y avait un apprentissage de la propreté du bébé. Donc là, voilà, elle m'explique qu'elle masse son nez pour qu'il soit fin et droit. Si on voit, etc., etc. Bon, alors après, ok. Bon, j'ai arrêté avec le massage. Et alors, donc, c'était juste pour vous montrer que le souci de la rectitude était bien plus important là-bas que chez nous à l'heure actuelle. Et ensuite, le souci de l'acquisition de la marche est aussi très important parce que moi, je suis allée aussi sur place avec mes propres enfants. Par exemple, mon fils avait... Ouais, non, mais on peut l'enlever là. Mon fils avait 1 an, il avait un cousin du même âge que lui. Mon fils ne marchait pas encore et le cousin marchait déjà. Et en fait... les femmes de la famille ont tout fait pour que mon fils fasse ses premiers pas, d'ailleurs sans succès. Il les a fait que l'été suivant en Yakoutie, fasse ses premiers pas. Et donc, en fait, les enfants sont encouragés à marcher dès que possible, par différents moyens, c'est-à-dire qu'on les fait marcher, on les tient par la main. Alors que chez nous, enfin, les principes pédagogiques actuels veulent qu'on attende que... chez nous, on attend qu'en fait les enfants marchent. En général, on dit qu'il faut attendre que chaque enfant marche à son rythme et on ne pousse pas les enfants à marcher le plus tôt possible. Et à propos justement de cet apprentissage de la marche bipède, qui pour les Kazakhs est une sorte de consécration de l'humanisation de l'enfant, une étape essentielle du développement, il y a un rite qui s'appelle le rite de rupture des entraves, qui d'ailleurs évoque explicitement cette analogie entre le cheval et l'enfant, puisqu'elle fait référence aux entraves qu'on met à un cheval. Donc là, j'ai un autre film, je ne sais pas si c'est ça. Bon, j'ai encore un problème. Donc en fait, quand les enfants sont en... Si vous pouvez mettre l'autre film. Quand les enfants sont en âge de commencer à marcher, alors l'autre... Oui, celui-là. Oui, BMC. Voilà. Avec BMC, ouais. Donc, on attache autour des pieds de l'enfant soit une corde bigarrée, blanche et noire, soit un intestin de mouton, soit de l'herbe, soit on fait les trois rituels les uns à la suite des autres. Et on coupe cette entrave pour lui dire, ça y est, maintenant, tu peux marcher. Il est temps de marcher et c'est une étape importante de l'humanisation, c'est le fait de marcher droit. Bon, alors lui, c'était un peu tôt là. Et une autre différence importante que j'ai notée, c'est l'usage du yupala. Alors, que ce soit en Sibérie ou en Asie centrale, le yupala, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est un espèce d'instrument qui fait que l'enfant est assis debout et peut se alors qu'il ne sait pas encore marcher, il peut se déplacer. En fait, c'est un objet polyfonctionnel parce qu'à la fois, il permet à l'enfant de se déplacer alors qu'il ne sait pas marcher, mais on le verra tout à l'heure. Donc ça, c'est le père qui est en train d'abattre un mouton et le petit, à l'époque, c'était le petit dernier, oui. Dans son yupala et qui passait toute sa journée dans son yupala. Donc en même temps, ça lui permet de se déplacer, mais ça le protège dans une certaine mesure parce qu'avec le yupala, il n'arrive pas à franchir même des petits obstacles comme le seuil d'une porte. C'est-à-dire quand on le met dans une pièce, il reste dans la pièce parce qu'il y a un petit seuil qu'il ne peut pas franchir avec le yupala. Il ne peut pas atteindre les boutons de la cuisinière, qui ouvrir le gaz ou ce genre de choses, ou atteindre le feu parce que en fait, la largeur du yupala fait qu'il n'arrive pas à l'atteindre. Et alors que chez nous, on dit que le yupala, c'est très mauvais parce que ça, d'une part, c'est dangereux, il y a des chutes dans des escaliers, etc. D'autre part, on dit que ça retarde plutôt l'acquisition de la marche. Là-bas, c'est un objet qui a été adopté avec un grand enthousiasme, qui est très utilisé. C'est pour ça que je ne suis pas trop d'accord avec Ingol quand il dit que les Occidentaux sont obsédés par la rectitude et qu'ils inventent beaucoup de procédés pour que les enfants occidentaux marchent le plus tôt possible. En fait, en l'occurrence, c'est plutôt là-bas qu'ils utilisent ces dispositifs particuliers comme le yupala. Et une autre analogie, donc je vous ai parlé de la rupture des entraves. Donc ces entraves, c'est le même mot qui est utilisé pour les entraves des chevaux, qui sont également pour les chevaux polyfonctionnels dans le sens où elles limitent le déplacement des chevaux, mais elles leur permettent de brouter en se déplaçant. Parce que si on attache un cheval, on est obligé de le nourrir, alors que si on l'entrave, il peut aller brouter. On attache aussi assez fréquemment les enfants en bas âge pour les empêcher d'atteindre le feu ou pour un moyen de surveillance. Donc la question que je me pose, c'est ces rapprochements entre le cheval et l'enfant ne sont-ils que de simples métaphores pour le rite de rupture des entraves, donc rompre les entraves pour apprendre à marcher, ou l'adaptation de dispositifs techniques permettant de contrôler la mobilité des bébés ou des chevaux, ou est-ce qu'il y a vraiment un rapport plus profond entre dressage et éducation? Est-ce qu'on peut dépasser ce niveau d'analyse et cette analogie entre cheval et enfant? Ou est-ce que ça se limite à une simple analogie? Alors, on peut dire, c'est déjà ce que j'ai évoqué tout à l'heure, qu'il y a non seulement une ressemblance entre le cheval et l'enfant, mais aussi une évolution parallèle de la pédagogie. Donc certains historiens des mentalités ont fait explicitement ce lien, soit que dans un sens ou dans un autre d'ailleurs, parce que par exemple, Kes Thomas, un historien anglais, dit que les méthodes plus humaines pour les chevaux, de dressage des chevaux ont coïncidé avec une réaction contre l'emploi des châtiments corporels dans l'éducation des enfants. Mais pour une autre historienne qui s'appelle John Thirsk, on a commencé par les chevaux. C'est-à-dire que comme les chevaux avaient à partir du 18e plus de valeur, on a commencé à les dresser avec plus d'égards et que ce n'est qu'après qu'on s'est mis à bannir les châtiments corporels pour les enfants et ou de façon générale à les éduquer de façon plus douce. Le problème de cette approche de l'histoire des mentalités, alors je vais revenir à mon PowerPoint. Alors le problème de cette approche, c'est que d'une part, quand on étudie l'histoire des pratiques, on se concentre sur les écrits, les manuels de pédagogie, les traités d'équitation, et pas sur les pratiques réelles. Et donc, entre les manuels de pédagogie et la pédagogie réelle, il y a un véritable fossé. Ensuite, il y a un problème lié au jugement de valeur. Qu'est-ce qui fait qu'un dressage est doux ou brutal? Ce qui est doux pour l'un pourra être brutal pour l'autre. C'est pour ça que j'ai essayé d'aborder les choses un peu différemment, parce que j'ai appelé une anthropologie de l'action en m'intéressant non pas au contenu des actions, mais aux formes, aux caractéristiques formelles des actions, à partir donc... Donc à partir de la distinction faite par Audrey Court, donc je ne reviens pas là-dessus, mais entre action directe positive et action indirecte négative, donc, que Audrey Court a proposé dans un article de 1962 et d'autres écrits. Donc j'ai essayé de voir si dans le dressage et dans l'éducation, on avait affaire à des actions plutôt directes, positives, indirectes, négatives. Ma démarche dans ce sens ne s'attachait plus à voir si le cheval ressemblait à l'enfant ou si le cheval et l'enfant étaient conçus comme similaires, ni même de voir si ces deux processus, le dressage et l'éducation, avaient des ressemblances, mais à chercher des correspondances purement formelles entre les actions mises en œuvre dans ces deux processus. Et à partir de mes données de terrain, j'étais amenée à enrichir la typologie que fournit Audrey Court en proposant une grille d'analyse des actions un peu plus complexe, mais qui en fait n'est pas une grille immuable, mais qui était adaptée à mes données de terrain et qui peut donc changer en fonction des données auxquelles elle s'applique. Donc plutôt que des types d'actions, en fait, elle définit des formes d'action selon plusieurs dimensions, donc selon qu'on agit de manière directe ou indirecte, selon qu'on agit de façon plus ou moins interventionniste, selon qu'on agit que son action conduit directement à l'objectif ou par une voie détournée, selon qu'on agit sur le corps du sujet dressé ou sur le milieu, selon qu'on agit suivant une méthode donnée a priori, normalisée de manière systématique, ou qu'on agit de manière opportuniste en fonction des circonstances, selon qu'on agit de manière continue ou discontinue, selon qu'on agit seul, aidé par un élément extérieur, ou que l'objet du dressage ou de l'éducation participe lui-même au processus. Bon, je ne donne pas tous les détails, mais je vous renvoie aux articles que j'ai faits sur le sujet dans l'Homme ou dans Journal of Material Culture. Donc, quand j'ai commencé ma recherche, en fait, on parlait encore des hommes au sens générique et des chevaux. Il n'était pas tellement question des humains et des non-humains. Et l'étude des relations entre les hommes et les animaux n'avait pas encore fait cette révolution copernicienne que peut présenter le tournant animaliste et l'ensemble des autres tournants nombreux qu'a connu l'anthropologie, notamment le tournant ontologique. Actuellement, la plupart des études, que ce soit dans le domaine des relations hommes-animaux ou dans le domaine de l'anthropologie des enfants, proposent un renversement de perspective qui consiste à promouvoir le point de vue des protagonistes, animal ou enfant, dont on juge qu'il avait été jusqu'à présent injustement négligé. Et la grande majorité des études depuis une vingtaine d'années débute par des mots tels que autrefois, alors dans le domaine animal par exemple, autrefois on considérait l'anthropologie uniquement du point de vue des humains domesticateurs, on considérait les animaux comme des objets, mais moi je vais faire le contraire et je vais renverser le point de vue et prendre le point de vue de l'animal domestiqué. Et c'est l'animal domestiqué lui-même qui engendre la relation de domestication, qui est acteur de sa domestication et même initiateur de sa domestication. Donc je vous présente les choses un peu de façon un peu grossière, mais c'est vrai que c'est une posture qui à la fois se présente comme révolutionnaire et originale, alors qu'en fait elle est tellement répandue actuellement qu'elle c'est un peu un nouveau conformisme au contraire, puisque c'est un peu le point de départ obligé de toute étude sur, en tout cas les relations hommes-animaux. Il y a le laïus de départ qui commence forcément comme ça. Donc c'est une nouvelle doxa. Alors pourquoi pas ? C'est vrai que c'est important de voir que les relations entre des êtres animés sont toujours des interactions. Qu'on ne peut pas traiter des animaux comme des objets. Mais à ce propos, d'ailleurs, il y a un premier malentendu dans le fait qu'on rejette ce couple du sujet et de l'objet, qui est lié en fait à la polysémie des mots objet et sujet en français. Et quand on dit qu'on rejette le couple sujet-objet, c'est qu'on le considère de façon ontologique, c'est-à-dire qu'on considère l'objet comme un être inanimé qui est un réceptacle passif d'une action. Mais en fait, moi, quand je parle des actions menées sur des objets, enfin, d'un sujet d'une action et d'un objet d'une action, en fait, je considère les mots objet et sujet dans leur sens purement grammatical. Donc, c'est pas le fait d'être objet et sujet n'est pas une position ontologique stable, placer tel objet dans une catégorie, mais renvoie à une action particulière, donc qui change à chaque instant. Donc, à l'instant T, Pierre frappe Paul. Pierre est sujet de l'action, Paul objet. Et à l'instant d'après, ça n'empêche pas Paul d'être un être inanimé et à l'instant d'après, de renvoyer son poing dans la figure à Paul. Animé, ouais, je me trompe toujours. Bon, bref, voilà. Donc, il me semble important de... moi, ce qui m'intéresse, en tout cas, ce n'est pas tellement de voir ce que les êtres sont, l'ontologie, mais c'est plutôt la pratique de voir ce qu'ils font. Donc, c'est pour ça que ça m'intéresse, l'anthropologie de l'action. Ensuite, il y a donc ce premier malentendu sur sujet-objet. Ensuite, il y a un malentendu sur l'animisme sibérien. Je ne vais pas détailler non plus, mais en gros, que ce soit donc les spécialistes de l'Amazonie qui parlent de l'animisme sibérien, donc par exemple Descola ou Vivero de Castro, ils se basent largement en tout cas sur les travaux de Roberta Maillon pour le décrire. Mais Roberta Maillon elle-même n'est pas vraiment d'accord avec l'interprétation qui est faite de leurs travaux. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais moi-même, quand je lis parfois des travaux d'anthropologues français ou étrangers, d'ailleurs, à propos de la Sibérie, je ne reconnais pas du tout la Sibérie que je connais, là où j'ai passé quand même 7 ou 8 ans. Et il me semble que cet effet c'est un effet pervers, en fait, cette Sibérie un peu rêvée, qu'ont les anthropologues, notamment les anthropologues de la nature, et c'est un effet pervers de ce que j'appelais tout à l'heure la comparaison frontale, qui a tendance à exagérer la différence entre eux et nous. C'est-à-dire que pour mieux exacerber la différence entre un Occident qui serait purement naturaliste et une Sibérie purement animiste, on a tendance à ne retenir que les traits qui vont... qui étaye son hypothèse. Pour le dire un peu grossièrement, que ce soit d'un côté ou de l'autre, je ne suis pas persuadée qu'un chasseur sibérien considère sa proie comme une personne, de la même manière que je ne suis pas persuadée qu'une dame qui promène son chien à Marseille considère son chien comme une machine. J'ai l'impression qu'il y a une sorte d'effet de caricature d'un côté comme de l'autre. En tout cas, pour la Sibérie, souvent, je ne vois pas du tout le rapport entre ce qui est dit sur la Sibérie et ce qu'on voit sur le terrain. Dans les relations entre, en tout cas, les éleveurs et leurs animaux, c'est assez flagrant. Et puis, je me demande aussi pourquoi, en fait, dans les sciences sociales, on a tant de mal à s'intéresser à l'action proprement dite. En fait, on est tombé d'une situation antérieure de ce qu'on pourrait appeler du sociologisme, où il n'y avait pas d'acteurs parce que les agents en fait étaient mués par des déterminismes sociaux qui les dépassaient, à une situation inverse où il y a des acteurs partout par le biais de l'agency, l'agentivité, donc qui en donnant de l'agentivité à tout, humain ou non humain, tend à affaiblir la notion d'action. Alors, je vais essayer d'aller quand même assez vite, mais c'est un autre travers qui me semble qu'il faut dénoncer, parce que et d'ailleurs qui tient pas. Qui ne correspond pas, par exemple, quand on parle de la notion d'actant, enfin, quand Bruno Latour parle d'actant, il ne respecte pas cette hiérarchie des actants qui existait initialement dans la linguistique structurale de Ténière, qui est l'inventeur du mot actant. Il distinguait prime actant, second actant, donc en gros, enfin bon, pour le faire vite, sujet et objet. De même, quand Alfred Gell parle des pièges du chasseur comme des... Alors lui, il ne parle pas d'actant, il parle d'agent. Il distingue bien un premier agent d'un second agent. Et il dit bien que la mine antipersonnelle n'est pas l'acteur intentionnel qui saute. En donnant une capacité d'agir à des objets qui en sont dépourvus, il me semble que c'est affaiblir la notion d'action parce qu'elle est trop largement distribuée. Et c'est aussi un problème parce que on ne tient pas en compte... On simplifie la complexité de l'action et on ne tient pas en compte, par exemple, du fait qu'une action peut être différée. Lorsqu'un chasseur pose un piège, au moment où le gibier est pris par le piège, donc qui est un actant, le chasseur ne fait plus rien. Donc c'est pour ça qu'on se dit, bah, alors qu'est-ce qui agit ? C'est le piège. Mais en fait, si on prend en compte le fait que l'action peut être différée, qu'elle peut être indirecte, qu'il y a de multiples formes d'action, alors à ce moment-là, on n'a plus besoin d'attribuer une agentivité particulière au piège, qui est finalement rien d'autre qu'un outil et qui permet l'action différée du chasseur. Donc, je ne vais pas non plus m'étendre un peu là-dessus, je renvoie à ce que j'ai écrit sur le sujet. Alors, dans 5 minutes, alors on va aller plus vite. Donc, en gros, qu'est-ce qui se passe en Asie intérieure pour ce parallèle entre dressage et éducation? Alors, ce que j'ai montré, c'est que l'élevage du cheval, surtout chez les Yakoutes, mais également chez les Kazakhs, est marqué par un grand laisser-faire, puisque les troupeaux de chevaux sont quasiment, enfin on dit même qu'ils sont sauvages, ils sont laissés en liberté la plus grande partie de l'année. Ils se débrouillent eux-mêmes pour trouver leur nourriture en grattant la neige pour paître. Donc il y a un grand laisser-faire et très peu d'actions directes, notamment du contrôle de la mobilité des troupeaux qui vont et viennent à leur guise. Par ailleurs, les actions de l'éleveur sont marquées par une grande discontinuité, dans la mesure où, si chez nous on voit l'élevage comme une action, des interactions quotidiennes entre l'éleveur et ses animaux, chez les éleveurs de chevaux yakoutes, ces actions sont discontinues dans le temps, notamment pour le dressage, où en fait on va capturer un cheval donc, qui est dans la nature et le dresser en quelques jours. Le dresser par deux phases très distinctes, une première phase d'attache où le cheval reste plusieurs jours attaché sans bouger alors qu'il était libre dans la taïga auparavant. Donc on va le contraindre de tous les côtés, le mettre dans un enclos serré, ce qui s'appelle un rascol, et le harnacher, alors un cheval qui a à peine connu l'homme. Et puis donc on lui met un traîneau et on le lâche, et adieu va. Et en fait, pour le diriger, au lieu de le diriger directement avec les guides ou les rênes, on va le mener sur une neige plus ou moins épaisse pour lui faire ralentir son train si on veut qu'il ralentisse, ou une neige moins épaisse si on veut qu'il avance plus vite. Donc c'est un débourrage brutal dans le sens temporel, c'est-à-dire c'est assez brutal au sens propre, mais aussi dans le sens temporel, c'est-à-dire qu'en quelques jours, le cheval passe du stade sauvage, entre guillemets, au stade dressé. De même, en Asie centrale, le débourrage est brutal dans le temps, au moins. Par ailleurs, l'entraînement des chevaux de course et des chevaux de course de longue distance est lui aussi marqué par une grande discontinuité, parce qu'en fait, au lieu d'avoir une habituation progressive à l'exercice et à l'effort, l'entraînement du cheval va être séparé entre des phases très contrastées, des phases d'engraissement, où le cheval ne bouge pas, ne travaille pas et où il est gavé, et des phases pendant 40 jours, il reste à la même place, il est gavé. Ensuite, les jours suivants, on va réduire sa ration et le faire travailler. Donc, c'est contraire à ce qu'on imagine être un entraînement habituellement, où on a une progression linéaire du moins vers le plus, que ce soit la nourriture et l'exercice se croisent parallèlement. Là, au contraire, soit on a des phases où le cheval travaille beaucoup et n'est à peine nourri, et des phases où le cheval ne travaille pas et est gavé. Tout ça pour vous dire quoi ? Que la discontinuité est importante, à la fois dans l'élevage des chevaux, leur dressage et leur entraînement. En plus, ça tombe bien, j'ai trouvé deux dictons. Alors, bon, on ne peut pas faire dire aux proverbes plus qu'ils ne peuvent, mais c'est vrai que j'ai trouvé deux dictons qui m'arrangent bien parce qu'ils mettent directement en parallèle le traitement de l'enfant et le traitement du cheval, puisque Donc le premier pour l'enfant, jusqu'à 5 ans, traite ton enfant comme un roi, de 5 à 15 ans comme un esclave, après 15 ans comme un ami. Et pour le cheval, à 2 ans, monte-le sans pitié, à 3 ans, ménage-le, et à 4 ans, soigne-le comme un cheval. Donc dans les deux cas, on a une alternance de phases extrêmes et contrastées. Donc l'équilibre n'est pas atteint par une tempérance constante ou une progression linéaire, mais par une alternance de phases opposées et contraires. Et ce qui est intéressant dans ces proverbes, c'est qu'on n'a pas une comparaison là entre le cheval et l'enfant. On n'a même pas une comparaison entre le dressage et l'éducation. Et puis en plus, si vous regardez, c'est pas la même chose, parce que pour l'enfant, il commence à être roi, ensuite esclave, alors que le cheval, c'est l'inverse. Non, la seule chose qui se ressemble, en fait, c'est la discontinuité. C'est le fait qu'on a des alternances de phases contrastées et des ruptures brutales. Et c'est vrai qu'en Asie centrale, donc, il y a cette rupture dont je vous ai parlé tout à l'heure, du fait qu'on passe de l'immobilité contrainte dans le berceau à la libération. Et aussi, on a des ruptures très importantes qui font passer, alors pour dire en une minute, de l'enfant roi à enfant esclave. Alors, ce n'est pas trop genré, là, pour le coup. C'est surtout lié, en fait, au rang dans la fratrie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un enfant suivant qui naît, l'aîné commence à travailler quand il y a un cadet qui apparaît. Et, enfin, bon, après, ça dépend des âges. Hein, on peut pas... Parce que... Les anthropologues, au départ, ont pensé qu'il y avait des rites. C'est vrai qu'il y a des rites de... mais il me semble que ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est le rang dans la famille et la place d'aîné ou de cadet, qui fait que... ce qui est assez frappant, c'est que quand on est en Asie centrale, on voit que les enfants n'ont pas du tout de contraintes. Il n'y a pas d'autorité pour elles-mêmes, c'est-à-dire qu'on ne leur demande pas d'obéir. Et les petits-enfants, on leur passe tous leurs caprices. Et en général, jusqu'à ce que l'enfant suivant naisse, et là, ils se mettent à travailler aux tâches domestiques, alors que ce soit les filles ou les garçons. Donc là, j'ai quelques photos de soins du bétail par des enfants. Alors là, par exemple, c'était une famille où la fille aînée, en fait, comme c'était des les aînés étaient des filles, donc il n'y avait pas vraiment de rôle de garçon à endosser pour la surveillance du troupeau. Donc c'était la fille aînée qui s'occupait de la surveillance du troupeau et la fille cadette qui s'occupait des soins du bébé. Et en fait, il n'y a pas du tout de souci de ménager ni la jalousie de l'aîné pour le cadet, ni d'atténuer les ruptures de traitement liées à ces ruptures de statut entre les phases. Donc en fait, pour résumer en deux mots, on a des choses contradictoires parce que dans un sens, pour ce qui est de la rectitude, on a des actions assez directes menées sur les enfants, sur le corps même de l'enfant afin qu'il soit droit. Donc des actions beaucoup plus interventionnistes que ce qu'on voit en Occident pour la rectitude de l'enfant et pour l'acquisition de la marche à pied. D'un autre côté, on voit une même discontinuité dans les deux domaines, équin et enfantin. Donc en fait, tout n'est pas cohérent, mais après tout, tant mieux. parce qu'en fait, cette façon d'analyser les choses ne vise pas à dresser un tableau cohérent des sociétés, à dire que dans telle société, on agit toujours de façon directe, on agit que par le laisser-faire, que de façon passive, etc. Non, c'est plutôt un moyen d'analyser les actions qui oblige à entrer dans le détail des pratiques et à voir comment ça marche, quoi. Et à voir comment les gens font. Donc voilà, il ne faut pas le prendre comme une façon de classer les sociétés suivant le type d'action dominant que leurs membres effectueraient. Voilà. Désolée d'avoir été trop longue. Merci beaucoup pour votre super présentation. On n'a pas beaucoup de temps. Est-ce que vous avez des questions ? Merci beaucoup. Alors évidemment, on pourra en discuter à l'aparté pendant des heures, hein, bien entendu. Je vais essayer de pas le faire ici, pour ne pas discuter tout le monde. Mais c'est évident que là, je suis tout à fait d'accord avec cette critique de la question naturalisme occidental. Tout ce que j'ai observé dans les sociétés occidentales concernant les milieux d'éleveurs, depuis que je fais de l'anthropologie, démontre le contraire. Que ce soit la relation, précisément d'éducation du taureau camargué à la course, par une mise à l'épreuve où le propriétaire en fait ne fait rien, il met simplement son taureau dans l'arène et il doit apprendre le jeu. Et c'est là qu'on reconnaît le bon taureau, c'est celui qui est intelligent, parce qu'il comprend les arcanes du jeu et il arrive à déjouer les plans du jeu. Et c'est autre chose aussi qui m'a frappé par rapport au cheval, sur un autre terrain, les États-Unis, en Californie, où j'écoutais les cavaliers du rodéo, ceux qui renversent les bouillons pour rentrer au lasso, ils disaient toujours I don't know do nothing. My horse, he knows how to rodeo. Mon cheval sait comment. C'est lui qui fait tout. Et quand j'ai vu comment un dresseur de cheval de rodeo opérait, il était en relation avec un de mes informateurs qui était éleveur de bétail dans la réserve indienne, Yokut. C'est presque les Yokuts de Californie, et lui, Buck, qui était l'éleveur de bétail, bovin, donc prêté à son copain Russell, qui était un blanc en dehors de la réserve et qui opérait le dressage des chevaux. Il lui prêtait ses vaches les plus sauvages, parce qu'elles vivent à l'état sauvage dans la réserve, et les jeunes vaches, il les prêtait à Buck pendant une saison, pour que Russell dresse ses chevaux à rodeo, à être des bons chevaux de rodeo, qu'ils apprennent à courir droit à côté d'un bœuf, d'un jeune bœuf indocile. Et quand il rendait les jeunes vaches à Buck, et bien Buck était content que ses vaches avaient appris à suivre les chevaux, et ils avaient nourri en plus pendant 3 mois, ce qui n'était pas négligeable, et Russell était ravi parce qu'il avait des chevaux qui étaient prêts à être vendus aux monteurs, aux gens qui font du rodéo et qui dès lors n'ont aucun rôle dans le dressage. Et qui tout simplement après s'assoient sur des fauteuils parce qu'ils sont des bons cavaliers, mais ils n'ont rien à faire, c'est ce qu'ils pensent. Ils disent en fait mon cheval, c'est un super dresseur, on ne parle même pas du dresseur, mais c'est mon cheval qui sait comment faire. Donc on voit tous ces différents éléments de la chaîne, en fait, à quelque fois de l'action, et de l'action passive, positive et négative, hein, on parle effectivement les concepts de recours sont extrêmement profitables là-dessus, et surtout la relation entre le sauvage, les espaces sauvages, la manière dont on laisse le bétail en hygropâture, précisément, en fait, c'est une manière de cultiver ces caractères sauvages d'une façon ou d'une autre, et ensuite ce qu'on peut en tirer dans un jeu qui représente la relation de domestication par rapport à ce qu'on représente. Donc, toute la complexité de ces éléments dans des sociétés occidentales, y compris par les États-Unis, la Californie, donc on ne peut pas plus. Et on voit bien, et là, avec toute une série d'éléments d'animisme, etc., fait, qui sont projetés sur les animaux, c'est juste quelques commentaires pour aller dans ce sens-là. Et nous, attirer notre attention, faire attention un peu à des oppositions très un peu simplistes et duales. D'accord, ben en fait il n'y a pas vraiment de questions. Oui, mais d'accord, ok. D'accord. Est-ce que les adultes donnent des informations, des préconisations aux enfants dans la relation avec les troupeaux pour aborder justement les chevaux ou pas? Est-ce qu'il y a une éducation à cette approche, à cette relation entre l'enfant et l'animal en l'espèce humaine? Non, il n'y a pas tellement d'apprentissage explicite. Ça se fait sans le dire, en gros. Et notamment. Comment? Ah ben, par la pratique, quoi. Ah. La monstration de comment monter. Comment pas la monstration, le fait même que. Ben, là, je ne sais plus si j'avais montré la photo. En fait, par exemple, il y avait une femme qui trayait ses vaches et il y avait le petit bébé d'un an. Bon, ben, il pouvait se prendre un coup de corne, un coup de pied. Donc, elle le met dans un tonneau. Il voit comment ça se fait. Mais ce n'est pas une démonstration parce qu'elle traite ses vaches pour traire ses vaches. Enfin, voilà, mais simplement, c'est une façon de lui montrer. On le voyait tout à l'heure aussi, il assistait à l'abattage. Bon, il ne va pas se mettre à abattre un mouton le lendemain, il a un an. Mais voilà, c'est simplement comme ça, ça se fait de façon informelle. Oui, je voudrais un petit peu interpeller l'expert en psychologie que nous avons. Il m'est apparu... assez violemment, voulais avoir votre avis, ou ce qu'on pourrait dire, entre une pathologie et ce qui a été évoqué quand vous avez cité Rousseau et Boucher sur la liberté de faire semblant de donner de la liberté et le cheval ou l'enfant en réalité devient esclave. Mm-hmm. Je trouve, qu'en pensez-vous, il est apparu le pervers narcissique dans toute sa splendeur. Qu'en pensez-vous? C'est le vécu. Sur la liberté feinte, hein, il y a des choses de la manipulation qui est. Oui, pourquoi pas. Après, on parle de rapport entre l'adulte et l'enfant, ça reste compliqué. Mais il y a. Par rapport à l'éducation, voilà. Il y a un très beau texte de Ferenczi, un disciple de Freud, qui s'appelle Confusion de langue entre l'adulte et l'enfant, et qui relève de ça. Hein, c'est-à-dire, effectivement, une confusion de langue entre le langage de la passion sexuelle et le langage de la tendresse. Mais oui, pourquoi pas. Bah, écoutez, j'en profite, j'ai le micro, je peux. Merci beaucoup pour votre présentation passionnante. Écoutez, moi, la nature prend beaucoup de place dans ma vie. Je vis en pleine campagne avec mes animaux, nombreux, dont des chevaux, qui, parce que je les ai récupérés non dressés, m'ont un petit peu obligée à venir à l'éducation écologique. C'était sans contrainte, sans entrave, sans mort, etc. Donc je suis vraiment passionnée par vos développements. C'est juste une remarque pour parler de l'équithérapie. Vraiment. Aujourd'hui, on travaille énormément, toujours dans les hôpitaux de jour, en pédopsychiatrie, avec des ateliers autour d'animaux, de chevaux, de poneys, très souvent. C'est quelque chose qui est très actuel aujourd'hui, où finalement, dans ces ateliers d'équithérapie, alors, il y a un grand centre dans les Cévennes, dans le camp où j'habite, Equiforia, et qui accueille régulièrement des enfants autistes, psychotiques, pour travailler dans le contact avec l'animal. Mais ce que je veux dire, c'est que dans l'équithérapie, ça, il ne s'agit pas de montrer à l'enfant comment donner des ordres à un animal. Sinon, on serait dans une éducation au sens un peu rigide du dressage, sans doute. Je pensais, là, quand vous parliez de la rectitude, à notre mot à nous, pas très bien heureux, de tuteur. L'enfant, il dresse bien droit, là où moi, je préfère d'autres formes plus volubiles d'éducation. Mais donc dans l'équithérapie, non, ce qui est vraiment intéressant à travailler avec ces enfants, justement, qui n'ont pas de langage, qui ont un rapport à l'autre et au contact corporel quasi impossible, eh bien, c'est une certaine rencontre avec l'animal la plus libre possible. Il ne s'agit pas du tout de mettre des entraves et d'être dans un contact quasi sensoriel avec l'animal. Bien sûr, ils sont mis en contact avec des animaux, on va dire, dressés quand même. Mais voilà, c'était pour parler de la place de l'équithérapie. Je ne le pratique pas moi-même, je dirige des mémoires d'étudiants tous les ans. Oui, ça se développe beaucoup, oui, depuis, effectivement. Ouais. Ce n'est pas un aspect que j'ai évoqué, mais c'est très important. Et la thérapie par l'humain et de l'enfant par l'animal. Oui. Et puis c'est vrai que le cheval a ça de particulier, c'est qu'on... Enfin, quand on monte à cheval, en tout cas, on communique avec ses fesses, quoi. Enfin, donc c'est une forme de communication non seulement non-verbale, mais très intime et... très particulière. Oui.